le 9 février, le Nautilus flottait dans la partie la plus large de la mer Rouge. Ce jour-là, à midi, après le point, le capitaine Nemo monta sur la plateforme où je me trouvais. « Je ne puis vous conduire à travers ce canal de Suez, mais vous pourrez percevoir les longues jetées de Port-Saïd après-demain, quand nous serons dans la Méditerranée. »« Dans la Méditerranée ? » m'écriai-je. « Oui, monsieur le professeur, cela vous étonne ?»« Quoi ? Il existera un passage ?»« Oui, un passage souterrain que j'ai nommé Arabian Tunnel. Il prend au-dessus de Suez et aboutit au golfe de Péluse. Mais cet isthme n'est composé que de sable mouvant, jusqu'à une certaine profondeur. Mais à 50 mètres seulement se rencontre une inébranlable assise de roc. Et c'est par hasard que vous avez découvert ce passage ? » demandai-je de plus en plus surpris. « Hasard et raisonnement, monsieur le professeur, et même raisonnement plus que hasard. » Deux jours plus tard, à 10h15, le capitaine Nemo prit lui-même la barre. Une large galerie, noire et profonde, s'ouvrait devant nous. Le Nautilus s'y engouffra hardiment. Un bruissement inaccoutumé se fit entendre sur ses flancs. C'était les eaux de la mer Rouge que la pente du tunnel précipitait vers la Méditerranée. Le Nautilus suivait le torrent, rapide comme une flèche, malgré les efforts de sa machine qui, pour résister, battait les flots à contre-hélice. À 10h35, le capitaine Nemo abandonna la roue du gouvernail et se retourna vers moi. « La Méditerranée !» me dit-il. En moins de 20 minutes, le Nautilus, entraîné par ce torrent, venait de franchir l'isthme de Suez.